Tu es inscrit au TD ? Non, je suis arrivé trop tard. Le secrétariat était déjà fermé. Pas de chance. Ah tiens, je te présente Paola, une amie. Et voici Antoine, un bon copain. Vous êtes aussi en deuxième année ? Oui. Vous comprenez quelque chose, vous, au niveau système ? Moi, rien. Le serveur informatique n'est pas très clair et je ne sais pas quels sont les cours obligatoires et les cours optionnels. Et pour finir, le secrétariat est fermé. Moi aussi, j'ai un problème. Je ne peux pas faire mon emploi du temps. Je ne sais même pas si j'ai choisi deux cours qui ont lieu en même temps. Enfin, ça commence demain avec un cours magistral d'économie dans l'amphi. Et je crois que mon premier TD, c'est jeudi, en salle 7 à 8h30. Pour les autres, je reviendrai tout à l'heure, parce que le secrétariat n'ouvre qu'à 14h30. Ah, moi aussi j'ai choisi ce TD. Alors on va être ensemble. C'est super tôt pour un TD. J'espère que je vais réussir à me réveiller. Surtout que le prof a la réputation d'être très strict et de noter très sévèrement au partiel. Eh bien, ça commence bien. On verra bien. De toute façon, il y a une partie de la note en contrôle continu, et sinon, on peut repasser l'examen en septembre. Tu es drôle. L'année n'a même pas commencé et tu penses au rattrapage de septembre ? Ha ha ! Mais je disais ça pour toi. Parce que moi, j'ai déjà tout mon emploi du temps, je suis inscrite à tous mes TD, je vais arriver à l'heure à mes cours, avoir la moyenne et partir en vacances tranquille à la fin de l'année. Mais bien sûr, j'avais oublié que tu étais l'étudiante parfaite. Allez, si on allait déjeuner au Resto U tous ensemble ? Oui, bonne idée. On reviendra plus tard quand le secrétariat sera ouvert.